الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers frères et sœurs, nous continuons ce soir la lecture et l'explication du livre intitulé فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة d'Ibn Aqil al-Hanbali رحمه الله تعالى. Nous allons voir aujourd'hui certaines politesses liées à la langue, et plus particulièrement quelques règles concernant la médisance. L'auteur رحمه الله تعالى a donc dit فصل والغيبة حرام. Chapitre et la médisance est interdite. En effet, la médisance fait partie des grands péchés à l'unanimité des gens de science. Et la meilleure définition concernant la médisance est celle qui nous est rapportée de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est venu dans l'authentique de l'imam muslim rahimahullah, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Savez-vous ce qu'est la médisance ?» Ils répondirent « Allah et son messager savent mieux. » Il dit alors « C'est le fait que tu mentionnes ton frère par une chose qu'il déteste. » Quelqu'un lui dit « Vois-tu, si ce que je dis se trouve en mon frère, c'est-à-dire si je dis la vérité à son sujet, je mentionne par exemple un défaut qui se trouve réellement en lui. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Si ce que tu dis se trouve en lui, tu as certes médit à son encontre. » Tu es certes tombé dans la médisance, c'est cela la médisance. Et si cela ne se trouve pas en lui, alors tu l'as calomnié. Tu as menti à son sujet. Et ceci relève également des graves péchés. Donc la médisance concerne le fait de mentionner au sujet de ton frère une chose qu'il déteste, et ce en son absence. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cela consiste à le mentionner parce qu'il déteste, ceci englobe tout ce que la personne peut détester que l'on mentionne à son sujet. Que cela concerne sa religiosité ou ses affaires mondaines. Que cela concerne son physique, que cela concerne son argent ou les biens qu'elle possède, que cela concerne sa famille, ses enfants, ses parents, ou encore que cela concerne ses vêtements, ou sa maison ou sa voiture ou autre chose semblable. Tout ce qui a un lien avec cette personne. Si cette dernière déteste qu'on mentionne cela, alors le mentionner en son absence relève de la médisance. Et ceci fait partie des grands péchés. Et on va voir la preuve à ce sujet. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a donc dit « وَالْغِيبَةُ haram fi حَقِّ مَنْ لَمْ يَنْكَشِفْ بِالْمَعَاصِ وَالْقَبَائِحِ » Et la médisance est interdite à l'encontre de celui qui ne s'est pas dévoilé par les péchés et les actes vils, c'est-à-dire celui dont les péchés sont cachés, qui ne fait pas de péchés de mauvaises actions devant les gens. Alors il n'est pas permis de le dévoiler, ni de mentionner ses péchés pour celui qui l'aurait surpris en train de le commettre ou autre chose semblable. Mais il doit être conseillé secrètement. Et on va voir plus de détails à ce sujet, Inch'Allah ta'ala. Quoi qu'il en soit, la médisance est interdite concernant cette personne dont les défauts sont cachés. Ensuite, il dit لِقَوْلِهِ تَعَالَى d'après la parole d'Allah وَلَا يَخْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا الْآيَة et ne médisez pas les uns des autres. Le verset 12 de Surat Al-Hujurat. Et la suite du verset, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit ici de médire les uns des autres. Mais qu'est-ce qui nous prouve dans ce verset que ce péché fait partie des grands péchés? La réponse est dans la suite du verset. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَ فَكَرِهْتُمُوهُ. L'un d'entre vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous auriez cela en répulsion, vous détesteriez cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a comparé ici la médisance au fait de manger la chair de ton frère mort. Et l'imam As-Si'adi rahimahullah ta'ala a dit « Il y a dans ce verset une preuve de la mise en garde sévère contre la médisance, et qu'elle fait partie des grands péchés, car Allah l'a comparée au fait de manger la chair d'un mort, et ceci fait partie des grands péchés. Ceci fait partie des grands péchés. Et après l'avoir mentionné, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire preuve de piété à son égard. Wattakullah. Et faites preuve de piété à l'égard d'Allah. Craignez Allah. Inna Allah tawwabur rahim. Car Allah est certes grand accueillant au repentir et très miséricordieux. Pour celui qui se repent de ce grave péché. Si ta langue a glissé, que tu es tombé dans ce péché, crains Allah, fais preuve de piété, délaisse ce péché immédiatement. Reviens à Allah par le repentir et implore son pardon et sa miséricorde afin qu'il efface ce péché. Parmi les preuves également démontrant que la médisance fait partie des grands péchés. Il y a un hadith rapporté par l'imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala et authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque mon Seigneur m'a élevé, c'est-à-dire lorsqu'il a été élevé la nuit de l'ascension, je suis passé devant des gens qui avaient des ongles de cuivre et qui se griffaient le visage et la poitrine. J'ai alors dit: qui sont ces gens, ô Jibril? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en compagnie de l'ange Jibril alayhi salam. Il l'interroge donc au sujet de ces gens. Et Jibril alayhi salam de lui répondre: ceux-là sont ceux qui mangent la chair des gens et portent atteinte à leur honneur. Demande Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, de nous guider et de nous aider à préserver nos langues. Imaginez la dureté de ce châtiment. Des ongles de cuivre avec lesquels ils se griffent le visage et les poitrines en raison de ce grave péché qu'ils ont commis et du fait qu'ils se complaisaient à délier leur langue, portant atteinte à l'honneur de leurs frères et sœurs, en faisant de la médisance le sujet principal de leurs discussions dans leurs assises, dans lesquelles ils se partagent la chair de leurs frères et sœurs, wallahu al-musta'an. Donc vous voyez ici que ce péché, bien qu'il soit fréquemment commis, bien qu'il soit considéré aux yeux de beaucoup de gens comme insignifiant, il fait partie des grands péchés desquels il nous incombe de nous écarter, de nous éloigner et de nous empresser de nous en repentir si il nous est arrivé de faiblir et de tomber dans ce grave péché. Et malheureusement, le manque de piété, le manque de scrupules, l'amour de ce bas monde, la jalousie et l'envie, l'amour de s'élever au-dessus des autres, le laisser-aller et le laxisme, dans les blagues et les plaisanteries, pousse nombre de personnes à tomber fréquemment dans ce péché. Certains par leur langue et d'autres par leurs oreilles. Combien sont ceux à se trouver dans des assises dans lesquelles ils écoutent la médisance? Ils écoutent les gens porter atteinte à l'honneur de leurs frères et sœurs. Ils gardent le silence. Au pire encore, ils se complaient à écouter ces paroles. Et celui qui écoute a le même péché que celui qui parle. Car son silence vaut approbation de ses paroles, d'autant plus s'il prend plaisir à l'écouter. Eh bien malheureusement, certains sont conscients de cela. Ils détestent ce péché. Ils veulent faire les efforts pour s'en éloigner, pour s'en écarter. Et quand ils se retrouvent dans ce genre de situation, ils ne défendent pas l'honneur de leurs frères et sœurs. Ils se taisent et gardent le silence par peur, comme on dit selon l'expression, de casser l'ambiance. Il ne veut pas déranger les gens et les couper dans leur conversation. Il a peur que, s'il fait le rappel, il va s'attiser la colère des gens. Mais tu n'as pas à avoir peur de la colère des gens. Ce qui doit t'importer, c'est de ne pas encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui recherche l'agrément des gens, au risque d'encourir la colère d'Allah, Allah sera en colère contre lui et il mettra les gens en colère contre lui. Et inversement, celui qui recherche l'agrément d'Allah, au risque d'encourir la colère des gens, Allah sera satisfait de lui et il rendra les gens satisfaits de lui. C'est cela qui doit t'importer, c'est de cela que tu dois te soucier. Est-ce qu'Allah est satisfait de toi ou non lorsque tu te trouves dans cette assise? Peu importe que les gens soient en colère contre toi après cela. Et si tu n'as pas la capacité de blâmer ce péché avec ta langue et de défendre l'honneur de ton frère ou de ta sœur, Le minimum est que tu te lèves et que tu quittes cette assise. Et que tu ne restes pas assis à écouter leurs paroles. C'est le minimum qui t'incombe en cette situation. Mais l'obligation est de les blâmer et de leur interdire ce péché, de leur rappeler sa gravité. Et si chacun d'entre nous faisait des efforts en ce sens, notre situation serait meilleure, bi'idhnillahi ta'ala. Car nul parmi nous n'est infaillible, tout le monde a des faiblesses. Et c'est en se conseillant mutuellement les uns les autres qu'on va réussir à se corriger, à corriger nos comportements et à corriger nos langues, bi'idhnillahi ta'ala. Mais si chacun se tait par complaisance, que personne ne se conseille, que personne n'ordonne le bien et que personne n'interdit le mal, alors on ne va faire que chuter. Et on va courir à notre perte, wallah al-musta'an. Donc ceci fait partie des choses importantes qu'il ne faut pas négliger. Barakallahu fikum. Donc l'auteur, rahimahullah, il nous dit que la médisance est interdite concernant celui dont les péchés sont couverts. Et il nous a mentionné la preuve avec le verset, on a ajouté un hadith de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir qu'il y a des situations où la médisance, ou plutôt le fait de mentionner un défaut au sujet d'une personne ou une chose que cette personne déteste, est permis. Les gens de science ont mentionné 6 situations à ce sujet. La première est celle à laquelle l'auteur, rahimahullah ta'ala, a fait allusion lorsqu'il a dit « وَمَنْ ذَكَرَ فِي فَاسِقٍ مَا فِيهِ لِيُحْذَرَ مِنْهُ أَوْ سَأَلَ عَنْهُ مَنْ يُرِيدُ تَزْوِيجَهُ أَوْ شَرِكَتَهُ أَوْ مُعَامَلَتَهُ لَمْ يَكُنْ مُخْتَابًا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ إِثْمُ الْغِيبَةِ وَلَهُ ثَوَابُ النَّصِيحَةِ » Et celui qui mentionne un pervers, un désobéissant, ou même un innovateur par exemple, afin que l'on prenne garde à lui. Ceci est le premier cas. Ou qui interroge à son sujet quelqu'un qui veut le marier, lui donner sa fille ou sa sœur en mariage, ou s'associer à lui, dans un commerce par exemple, ou avoir une transaction avec lui. Donc celui qui le mentionne, cette personne, qui mentionne son mal, il n'aura pas fait de la médisance à son sujet, il n'aura pas le péché de la médisance. Au contraire, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, il aura la récompense de la nasiha. Il dit, لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس. D'après la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, dites au sujet du pervers ce qui se trouve en lui afin que les gens prennent garde à lui. Donc ce hadith que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné, il est à souligner que ce n'est pas un hadith authentique. Toutefois, on retrouve cette parole rapporté d'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, et son sens est véridique. Et il nous suffit comme preuve à ce sujet le hadith de Fatima bint Qais, lorsqu'elle est venue consulter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant son mariage, car elle avait été demandée en mariage par différentes personnes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a alors dit, quant à Abu Jahm, il ne retire jamais son bâton de son épaule. C'est-à-dire qu'il frappait. Ensuite, il dit, quant à Muawiyah, il n'a pas d'argent. Marie-toi avec Usama ibn Zayd. Qu'Allah soit satisfait de l'ensemble des compagnons, radiyallahu anhum. Donc on voit ici que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné certains défauts de ces hommes, radiyallahu anhum, suite au conseil que lui a demandé cette femme, afin de l'avertir à ce sujet, car il était possible qu'elle épouse un de ces deux hommes. Et ceci fait partie de la nasiha. Toutefois, comme l'a mentionné Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il est obligatoire que ceci ait lieu à titre de conseil loyal et par recherche du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, non pas en raison de ses passions, comme si la personne a un différend mondain avec un autre. Il va alors mentionner ses défauts. Ou alors il a de l'envie et de la jalousie. Ou alors il est en discorde avec lui. Ou il se dispute le pouvoir ou la notoriété. L'un d'eux vient alors mentionner les défauts de l'autre, prétendant être un conseiller, alors qu'en réalité, au fond de lui, il ne cherche qu'à rabaisser celui avec qui il est en désaccord, afin de s'élever au-dessus de lui. Et ceci est l'œuvre de Shaytan. Comme l'a mentionné Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc, lorsque la personne fait cela, elle doit faire attention à son intention. Ce n'est pas toute mise en garde qui relève de la nasiha. Ce n'est pas tout conseil qui est vraiment loyal. Ce n'est pas toute parole au sujet d'une personne qui est permise et qui relève du bon conseil, non. Pose-toi la question, quelle est mon intention lorsque je vais parler? Est-ce que je parle pour Allah? Ou est-ce que je parle pour satisfaire un désir de vengeance? Ou pour me soulager? Ou par plaisir de dénigrer mon frère? Ou par plaisir de lui nuire? De l'empêcher de concrétiser son projet, l'empêcher de se marier? L'empêcher de faire son commerce ou autre chose semblable? Pose-toi cette question avant de parler. Et ne t'empresse pas. Et prends garde à ce que le diable ne t'enjolive pas la médisance, la calomnie et le dénigrement des gens par la parure du conseil et de la loyauté. Et nombreux sont ceux à tomber dans ce piège, wallahu al-musta'an. Donc les cas où la médisance est permise, il y a premièrement le cas de la mise en garde et du conseil. Que ce soit les situations que l'on a mentionnées, mettre en garde contre un prétendant en raison d'un défaut qui se trouve en lui, ou mettre en garde contre une personne connue pour son manque d'honnêteté, afin que les gens ne s'associent pas à lui dans le commerce ou autre chose semblable. Et entre dans cela également la mise en garde contre les gens de l'innovation et de l'égarement, ou la critique des rapporteurs du hadith pour savoir lesquels sont intègres et véridiques, ou lesquels leur narration doivent être remises en question. Et ceci relève même de la nasiha qui est obligatoire comme l'ont mentionné les gens de science. Si on sait qu'une personne ment sur la religion d'Allah, si on sait qu'une personne appelle à l'innovation et à l'égarement, mettre en garde contre cette personne ne relève en aucun cas de la médisance. Aussi éminente soit cette personne, même si les gens considèrent cet homme comme étant un grand savant, à partir du moment où il s'oppose à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il transgresse de sorte à s'opposer à la voie des salafs, la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, qu'il instaure une chose nouvelle en religion, qu'il appelle à un égarement, qu'il appelle à une innovation, alors il est obligatoire de mettre en garde contre cela, afin que les gens ne le suivent pas dans cette erreur, et afin de préserver la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a une valeur plus importante que l'honneur de ces personnes. Et les gens de science sont unanimes à ce sujet. La deuxième situation où la médisance est permise concerne celui qui commet sa perversion et ses péchés publiquement. Entre dans cela l'injuste qui commet des injustices publiquement, le pervers qui commet des turpitudes publiquement, l'innovateur qui appelle à ses innovations, s'opposant ainsi à la sunna. Tout cela, parler à leur sujet concernant ces choses, ne relève pas de la médisance. L'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet, « Si l'homme commet sa perversion publiquement, alors il n'y a pas de médisance sur lui. » C'est-à-dire au sujet de cette perversion, au sujet de ce qu'il fait publiquement et non pas sur le reste. Ça, c'est important de le comprendre. Ce n'est pas parce qu'il a fait un péché publiquement que l'on peut porter atteinte à son honneur en tout sujet et en tout lieu. Non, seulement sur ce qu'il a montré publiquement. Et on ne mentionne pas ses défauts qui sont cachés. Les gens de science ont mentionné comme preuve à ce sujet le hadith de Aisha radiallahu anha, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Elle rapporte qu'un homme demanda la permission d'entrer auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, « Donnez-lui la permission d'entrer. Quel mauvais frère de tribu !» ou « Quel mauvais fils de tribu !» Ensuite, l'homme est entré, et quand il s'est assis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé avec douceur. Une fois parti, Aisha radiallahu anha dit alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ô messager d'Allah, lorsqu'il est arrivé, tu as dit à son sujet ce que tu as dit. Puis, une fois qu'il est entré, tu lui as parlé avec douceur. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit alors, « Ô Aisha, certes, le plus mauvais des gens est celui que les gens délaissent ou celui que les gens abandonnent afin de se préserver de son mal. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve de douceur et de bienveillance à son égard, espérant concrétiser un intérêt qui est de se préserver du mal de cette personne qui était mauvaise. Car cet homme faisait partie des gens pervers et mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donc évoqué en son absence parce qu'il méritait, afin que les gens prennent garde à lui et prennent garde à sa perversité et qu'ils ne se laissent pas tromper à son sujet. Car nombreux sont les gens à se laisser tromper par la belle élocution d'une personne, ses bonnes paroles et ainsi de suite. Ou alors ils se laissent tromper par son aspect. Ils l'admirent, ils apprécient ses paroles, ils apprécient certaines de ses attitudes. Alors qu'en réalité ce sont des gens mauvais, des gens pervers qui appellent au mal ou à l'innovation. Il est donc obligatoire les concernant de mettre en garde contre leur perversité, de mettre en garde contre leur mal, afin que les gens ne soient pas trompés à leur sujet. Contrairement à celui dont les péchés sont cachés. Tous les enfants d'Adam font des péchés, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Nul parmi nous ne peut prétendre ne pas faire de péché. On a vu ceux qui les commettent publiquement. Alors, il n'y a pas de médisance à leur sujet concernant ce péché commis publiquement. Mais si une personne, ses péchés sont cachés, alors il n'est pas permis de le dévoiler. Mais on le conseille secrètement. Et celui qui a connaissance de sa situation, s'il y a un intérêt en cela, il peut même le boycotter jusqu'à ce qu'il se repente, afin de l'exhorter et qu'il tire des leçons de cela. Et il ne sera permis de mentionner ce défaut que s'il y a un besoin dans un cadre précis comme celui de la demande en mariage ou autre chose semblable. Mais publiquement devant les gens, il nous incombe de le couvrir. Wallahu ta'ala a'lam. La troisième situation où la médisance est permise est la plainte. C'est-à-dire lorsqu'une personne est victime d'une injustice, il lui est permis de se plaindre aux autorités, aux juges ou autres parmi ceux qui ont le pouvoir ou qui ont la capacité de mettre fin à l'injustice. Il n'y aura donc pas de gêne à dire « un tel a commis à mon encontre telle injustice, il m'a fait ceci et cela, il m'a pris ceci et cela » et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man zulim » Allah n'aime pas qu'on profère des paroles mauvaises sur autrui, à l'exception de celui qui est victime d'injustice. Il peut, afin de récupérer son droit, se plaindre aux autorités ou à ceux qui ont autorité ou qui ont les moyens de mettre fin à cette injustice et de l'aider à récupérer son droit, il peut parler à ces personnes particulièrement. La quatrième situation est la demande de fatwa, la demande d'un avis religieux, comme en disant à la personne de science « Mon frère m'a fait ceci et cela, mon époux, mon épouse a agi ainsi, comment mettre fin à cette situation ?» et ainsi de suite. Ceci est une chose permise. Mais les gens de science ont mentionné que le plus prudent est de ne pas mentionner cette personne et de simplement interroger sur la situation, en disant « Que dites-vous d'un homme qui agit de telle manière ? Que dites-vous d'un époux qui fait ceci et cela à son épouse ?» sans mentionner que cela concerne telle ou telle personne en particulier. Ceci est plus prudent et cela permet de préserver l'honneur de cette personne, si on peut atteindre l'objectif et la réponse à notre question sans dévoiler son identité. Mais si on dévoile son identité, alors cela est permis. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Hind, radiyallahu anha, qui a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Ô messager d'Allah, certes, Abu Sufyan est un homme avare. » Donc on voit ici qu'elle a mentionné un défaut en son absence. « Et il me donne pas ce qui me suffit pour moi et mon enfant. » Elle est donc venue demander au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un conseil pour savoir comment agir face à cette situation. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas blâmée concernant ce qu'elle avait mentionné au sujet de son époux. Donc ceci nous montre la permission dans cette situation. Attention, cela ne signifie pas qu'on peut aller dévoiler ses défauts au premier venu, ou que l'on va appeler tout son répertoire pour parler de cela sous prétexte de demander conseil ou demander quoi faire, non. Car il y a des personnes qui agissent ainsi. Tu demandes cela seulement à une personne de science, une personne qui peut t'orienter vers ce qu'il y a de meilleur, afin de régler ce problème, de mettre fin à cette situation, et d'avancer vers ce qu'il y a de meilleur. Mais si, sous prétexte de te plaindre ou de demander conseil, tu vas appeler tes parents, tu vas appeler tes frères et sœurs, tu vas appeler tes amis, et ainsi de suite, alors sans aucun doute, tu risques fortement de tomber dans la médisance interdite. Et ce n'est pas de cette manière qu'on règle les problèmes et les conflits. La cinquième situation dans laquelle la médisance est permise est la demande d'aide pour changer un mal ou pour réformer une personne et la ramener au droit chemin. Si par exemple il y a quelqu'un qui est tombé dans un péché ou qui cause du tort à autrui et que seul tu ne peux pas mettre fin à son mal, ou alors tu l'as conseillé et il n'a pas pris en considération ton conseil, car peut-être il n'a pas d'estime pour toi par exemple. Mais tu sais que si tu en parles à son père, si tu en parles à son grand frère, si tu en parles à son meilleur ami pour lequel il a de l'estime, ou une personne qui pourra t'aider à mettre fin à ce mal, qui pourra le conseiller et de qui il prendra le conseil. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne, Inch'Allah ta'ala, à mentionner ce que tu sais à cette personne afin qu'elle se charge de le conseiller, ou qu'elle t'aide à mettre fin à l'injustice. Et ceci ne relève pas de la médisance interdite. Enfin, la sixième situation, dans laquelle mentionner un défaut au sujet d'une personne en son absence est permise, et lorsqu'on ne peut connaître la personne et la désigner que par cela, au point que cela devienne un surnom, comme le boiteux, le grand, le petit, ainsi de suite. Si une personne est désignée par une de ses caractéristiques physiques, et qu'elle n'est connue que par cela, alors il n'y a pas de gêne à le mentionner ainsi afin de le désigner particulièrement. Par exemple, tu confies à une personne une amana et tu lui demandes de la remettre à quelqu'un à la mosquée. Cette personne s'appelle Mohammed. Mais à la mosquée, il y a plusieurs Mohammed. Donc tu vas le décrire. Mohammed, celui qui est très petit, par exemple. Ou Mohammed, celui qui a une dent cassée, par exemple. Il n'y a pas de gêne à mentionner cela dans le but qu'il le reconnaisse, qu'il sache de qui tu parles. Dans le cas où cela est le seul moyen de lui faire savoir qui est cette personne. Mais si tu peux désigner cette personne autrement, comme en mentionnant son nom de famille, en mentionnant l'endroit où il habite ou autre chose semblable, ceci est meilleur plutôt que de mentionner une chose ou un défaut que cette personne pourrait réprouver. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, l'auteur a mentionné une parole concernant un récit rapporté au sujet de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui aurait mentionné certains défauts de ceux à qui il a confié la charge de se consulter mutuellement concernant le califat après lui. Et les gens de science ont mentionné que ce récit n'est pas rapporté de sources authentiques nous permettant de se baser sur celui-ci. Mais quoi qu'il en soit, les preuves que l'on a mentionnées dans les différents cas ici nous suffisent, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, il a dit « فصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب لا يقصد به إلا الإزراء على المذكور والطعن فيه » Donc, la médisance est ce qui est mentionné comme défaut et comme manquement, en ne voulant par cela que rabaisser celui que l'on mentionne ou le dénigrer. On mentionne un de ses défauts, un de ses manquements présents en lui, pour le dénigrer ou le rabaisser, pour le prendre en raillerie ou autre chose semblable. Mais si dans le fait de mentionner ce défaut il y a un intérêt pour les musulmans, comme la mise en garde contre l'innovateur, ou un intérêt particulier pour certains musulmans, comme la mise en garde contre un prétendant, et que l'objectif n'est que d'atteindre cet intérêt, l'objectif ce n'est pas de rabaisser ton frère, l'objectif ce n'est pas de lui nuire, mais d'atteindre cet intérêt, alors dans ce cas-là, ce n'est pas interdit. Wallahu ta'ala a'lam. Enfin, pour terminer avec ce sujet, il est important de savoir que celui qui a médit, il lui incombe de se repentir sur le champ, immédiatement. Il ne faut pas retarder le repentir. Également celui qui a calomnié un musulman, qui a mentionné ses défauts publiquement, qui l'a diffamé, il lui incombe de se repentir, immédiatement. Il ne doit pas repousser le repentir. Et pour se repentir, il doit remplir l'ensemble des conditions du repentir. Délaisser ce péché immédiatement, avoir des remords pour ces paroles qu'il a prononcées, et avoir la ferme volonté de ne plus commettre ce péché. Et les gens de science ont ajouté concernant la médisance de réparer les torts causés. Et comment on répare les torts causés? Les gens de science ont mentionné qu'il y a deux situations. Soit ces paroles que tu as prononcées sont parvenues à celui qui a été victime de cette médisance. Il sait que tu as prononcé ces paroles à son encontre. Dans ce cas-là, il est impératif que tu t'excuses auprès de lui, que tu lui demandes pardon, afin de compléter ton repentir. Par contre, la deuxième situation est que cela ne lui soit pas parvenu. Il n'est pas au courant. Tu étais dans une assise privée avec quelques personnes, et lui n'est pas au courant des paroles mauvaises que tu as prononcées à son sujet. Donc dans ce cas-là, si tu l'avertis, tu risques de faire plus de mal que de bien. Ceci va corrompre votre relation, mettre fin peut-être à votre amitié, et ceci va lui nuire également d'entendre ces paroles. Donc, s'il n'est pas au courant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas multiplier les invocations en sa faveur. À l'istighfar, tu demandes à Allah qu'il le pardonne, afin de réparer ta faute. Et également, tu vas le mentionner, dans cette même assise où tu l'as mentionné en mal, tu vas le mentionner en bien. Tu vas mentionner ses qualités, et ce afin de réparer les torts causés. On a donc terminé avec ce qui concerne la médisance, et on va passer au passage suivant qui concerne également le fait de préserver sa langue. Il a dit, rahimahullah, faslun, وَيُسْتَحَبُّ ضَبْتُ الْأَلْسِنَةِ وَحِفْظُهَا et de recommander de tenir sa langue et de la préserver. Comme le démontre le hadith rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit à Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Qu'il dise du bien, qu'il parle, en prononçant de bonnes paroles, du dhikr, la diffusion de la science, la lecture du Coran, le commandement du bien, l'interdiction du mal, les paroles plaisantes aux gens de sa famille, aux gens de son foyer. Ceci fait partie du bien. Parle. Dédie ta langue dans le bien. Sinon, qu'il se taise. Qu'il garde le silence. Al-Hafidh ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit dans le commentaire de ce hadith, il a été ordonné de dire le bien et de se taire concernant autre que cela, autre que le bien. Et ceci prouve qu'il n'y a pas de parole qui équivaut au silence. C'est-à-dire, il n'y a pas de situation où la parole et le silence sont au même niveau. Mais il dit, soit c'est une parole de bien, alors il lui ordonnait de la dire, soit c'est une parole qui ne relève pas du bien, alors il lui ordonnait de se taire. Il lui ordonnait de se taire. Si cette parole, il n'y a pas de profit en celle-ci, il lui ordonnait de se taire. Et tu dois sans cesse te rappeler que l'ange inscrit l'ensemble de tes paroles. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid » Il ne prononce aucune parole, quelle qu'elle soit, sans qu'il n'y ait auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Il inscrit chacune de tes paroles. Donc que veux-tu qu'il inscrive dans ses registres? Du bien ou du mal? Réfléchis à cela avant de parler. On rapporte de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, qu'alors qu'il était malade, il gémissait. Alors Taous lui a dit, « L'ange écrit toutes choses, même les gémissements. » On dit alors que l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, n'a plus gémi jusqu'à sa mort. Allah subhanahu wa ta'ala l'élève en degré et soit satisfait de lui. Donc si telle est la situation concernant un simple gémissement de douleur, que dire des paroles futiles qui sont prononcées? Pire encore, que dire des paroles mauvaises, le mensonge, les grossièretés, les paroles interdites, les paroles vexantes, les paroles qui ont pour but de causer du tort et ainsi de suite? Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, qu'il garde le silence. Le silence est meilleur pour lui s'il ne dit pas du bien. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « والإقلال من الكلام إلا فيما يعني ولا بد منه » et qu'il veille à ne pas trop parler, c'est-à-dire ceci est recommandé également, de ne pas trop parler, sauf sur ce qui le concerne et qui est indispensable. Comme le démontre le hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il fait partie du bon islam d'une personne qu'elle délaisse ce qui ne la concerne pas. Tout ce qui ne te concerne pas, garde le silence à ce sujet. Cela ne te concerne pas. Tu n'auras pas de compte à rendre à ce sujet, tu n'as pas de responsabilité à ce sujet, donc tu n'auras pas de compte à rendre. Garde le silence, préserve-toi, préserve ta langue, au risque de tomber dans de nombreux péchés. On rapporte de Ma'ruf, rahimahullah ta'ala, qu'il a dit « Les paroles du serviteur au sujet de ce qui ne le concerne pas sont un abandon de la part d'Allah. » C'est-à-dire que ce serviteur a été abandonné par Allah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Al-Hafid ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit « Si l'islam est bon, c'est-à-dire si la personne a perfectionné son islam, alors ceci exige qu'il délaisse tout ce qui ne le concerne pas. Entre dans cela les choses interdites, les choses équivoques, les choses détestables, et également l'excès dans les choses permises dont il n'a pas besoin. Tout ceci ne concerne pas le musulman, si son islam est complet et qu'il a atteint le degré de la bienfaisance. » Fin de citation de la parole d'Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala. Et celui qui agit ainsi, il sera préservé de nombreux méfaits, des méfaits de la langue, mais aussi des méfaits du corps, des méfaits de la convoitise de ce bas monde, qui est vil et éphémère, et, le poussant, pour rechercher cette dunya, délaisser nombre de choses ordonnées par Allah subhanahu wa ta'ala, pour des choses qui ne le concernent pas, dont il n'a pas besoin. Donc vous voyez que ces hadiths que l'on a tous déjà entendus, que la majorité d'entre nous connaissent, si on les mettait en pratique comme il se doit, notre situation serait sans aucun doute bien meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui, wallah al-musta'an. Reste à savoir, est-ce que le silence est toujours préférable à la parole? La réponse est qu'il y a différentes situations. Il y a un silence qui peut être interdit. Si par exemple une personne garde le silence au point de délaisser des paroles qui sont obligatoires, délaisser le commandement du bien, délaisser l'interdiction du mal, et autres parmi les paroles obligatoires, délaisser la réponse au salam, lorsqu'on lui adresse le salam, et ainsi de suite. Ce silence est un silence interdit, car il a conduit au délaissement d'une obligation. Également parmi le silence interdit, le fait de vouer le culte à Allah par ce silence, c'est-à-dire de se taire comme si se taire était une adoration en elle-même. En rapport d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, qu'il a dit à une femme qui faisait le pèlerinage en gardant le silence, « Parle, car ceci n'est pas licite et ceci fait partie des œuvres de la Jahiliya, des œuvres de la période pré-islamique. » Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit « Ceci est une innovation qui est interdite. » Cela a été permis dans les communautés qui nous ont précédés, comme cela se trouve dans le Coran au sujet de Maryam. « J'ai certes voué à Allah un jeûne, je ne parlerai aujourd'hui à aucun homme. » Ceci était une adoration légiférée dans les communautés précédentes. Mais en islam, ceci n'est pas légiféré, c'est interdit. Il n'est pas permis de garder le silence à titre d'adoration. Mais on garde le silence en délaissant les paroles mauvaises, les paroles interdites et les paroles inutiles ou les paroles sur ce qui ne nous concerne pas. Le deuxième silence est celui qui est obligatoire. Et c'est le fait de préserver sa langue de toute parole interdite. C'est la parole que tu t'apprêtes à prononcer est interdite, alors garder le silence est obligatoire pour toi. Tu dois te taire. Et si quelqu'un te dit de te taire et te l'ordonne, tu te dois de lui obéir car il t'a ordonné le bien. Et tu ne dois pas le prendre mal. Si tu es en train de médire, par exemple, et que ton frère te dit « délaisse cette parole, change de sujet », tu te dois de lui obéir car il t'a ici ordonné le bien et interdit le mal. La troisième situation est que le silence soit recommandé. Et il concerne le fait de garder le silence concernant les paroles qui ne sont pas nécessaires, les paroles permises qui sont inutiles et dont tu n'as pas besoin. Alors, dans ce cas, bien que ces paroles ne soient pas interdites en soi, il est recommandé de se taire. La quatrième situation est que la parole soit meilleure que le silence. Et c'est à cela que l'on doit veiller, plus que sur le silence, à veiller à ce que nos paroles soient bonnes. Et c'est à cela qu'a fait allusion l'auteur, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a dit « Wa afdalu min as-samt » Et il y a plus méritoire, il y a meilleur que le silence. « Ijra'ul al-sina bima fihi an-naf'u li ghayrihi » Le fait de délier sa langue, de se servir de sa langue, pour prononcer des paroles qui sont profitables à autrui. « Wa l'intifa'u li nafsihi » Et dont il va lui-même tirer profit. « Mithlu » قَوْلِهِ الْقُرْآنِ Le fait qu'il prononce, qu'il récite le Qur'an. وَتَدْرِيسِ الْعِلْمِ Enseigner la science, cela est meilleur que le silence. وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى Le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est meilleur que le silence de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ceci est meilleur que le silence. Tu es récompensé pour ces paroles, des récompenses immenses. Il dit également wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Le commandement du bien et l'interdiction du mal. Ceci est meilleur que le silence. Wal islah bayna an-nas. Et la réconciliation entre les gens. Le fait de parler pour concilier entre deux personnes qui sont en discorde ou autre. Ceci est meilleur que le silence. Donc certaines personnes, lorsqu'elles lisent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise du bien ou qu'il se taise, ils vont toujours être silencieux. Certes, ils vont ainsi se préserver de certains péchés, mais il se peut qu'ils tombent dans d'autres péchés, ou alors que leur comportement soit nuisible. Il se trouve avec ses frères, il se trouve avec sa famille, il garde toujours le silence, il ne parle pas. Et si tu lui reproches d'être silencieux, il va te dire, celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise de bien ou qu'il se taise. Et il pense bien agir ainsi. Mais ce qu'on dit à cette personne, c'est de craindre Allah. Subhanallah, tu n'as aucun bien à dire. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il se taise. Non, il a commencé par dire quoi? Qu'il dise du bien. Qu'il dise du bien, il t'a ordonné de dire le bien. Il ne t'a pas ordonné de te taire. Mais il t'a ordonné de dire le bien. Et si tu n'as pas de bien à dire, alors tu gardes le silence. Ou si la parole que tu vas prononcer est une parole mauvaise, alors tu gardes le silence. Si c'est un péché, tu gardes le silence et ainsi de suite, comme on l'a mentionné. Mais ceci ne veut pas dire que tu dois toujours être silencieux. Tu dois veiller à dire le bien, à prononcer des paroles utiles, à prononcer des paroles profitables, à être utile aux gens par ta langue. À les orienter, à leur commander le bien, à leur interdire le mal, à propager les sonanes que tu as apprises, à propager un bénéfice que tu as entendu dans un cours, que tu as lu dans un livre. Cela est profitable. Et également les belles paroles qui réjouissent les gens. Le fait de prononcer des belles paroles à tes parents afin de les réjouir, leur faire des compliments. Le fait de prononcer des belles paroles à ton épouse afin de la réjouir, lui faire des compliments. Sur son physique, sur son comportement, et également la femme, envers l'homme, et ainsi de suite. Tout ceci fait partie des bonnes paroles pour lesquelles tu peux espérer être récompensé, incha'Allah ta'ala, et qui sont meilleures que le silence. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, « وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا » Et dites de bonnes paroles aux gens. Dites de bonnes paroles aux gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne toute bonne parole et entre dans cela le commandement du bien, l'interdiction du mal, l'enseignement de la science, le fait d'adresser à salam, le fait d'être cordial et toute bonne parole par laquelle tu vas réjouir celui à qui tu adresses cette parole. Et ceci fait partie des meilleures formes de bienfaisance qui sont accessibles à chacun d'entre nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit dans le hadith « Et la bonne parole est une aumône ». La bonne parole est une aumône. Si tu n'as pas beaucoup d'argent pour faire des aumônes et que tu as envie de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette adoration, par l'aumône, prononce des bonnes paroles. La bonne parole est une aumône. Donc ceci ne doit pas être négligé. Il ne faut pas penser que le silence est toujours meilleur que la parole. On rapporte d'ailleurs à ce sujet qu'un homme parmi les savants a dit auprès de Omar ibn Abdil Aziz, rahimahullahu ta'ala, celui qui se tait avec science est comme celui qui parle avec science. Alors Omar, rahimahullahu ta'ala, lui a dit, j'espère vraiment que celui qui parle avec science sera le meilleur d'entre eux en situation au jour de la résurrection. Et ce car ses paroles profite aux gens, alors que celui qui se tait, son silence n'est que pour lui-même. Son silence n'est que pour lui-même. Alors que celui qui prononce des bonnes paroles, il est utile à autrui, et c'est pour cela qu'il convient de veiller à toujours utiliser sa langue dans le bien, afin de prononcer des belles paroles qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à garder le silence concernant toute parole mauvaise, toute parole interdite, toute parole détestable et toute parole inutile dans laquelle il n'y a aucun intérêt à la prononcer. On a donc terminé